Anyangi. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Début ce mardi du concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Dans cette édition, on fera le tour des provinces de Cibitoke, la mairie de Bujumbura et la province Karusi. Dans cette édition, on revient également sur les informations faisant état de deux Burundais qui seraient tués sur le sol rwandais. Dont, vous entendrez les réactions des porte-parole des ministères burundais et rwandais de la Défense. Et dans cette édition, on revient également sur le dossier construction du barrage hydro-agricole de Kajeke et la chronique santé de ce mardi et revient sur le choix du médicament traitant le trouble bipolaire. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Adogo et la réalisation de cette édition est assurée par Lydie Gahimbare. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page éducation pour débuter cette édition. Passation dès ce mardi du concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Le ministre burundais de l'éducation et de la recherche scientifique a lancé officiellement ce concours depuis l'école fondamentale de Kaburanwa en commune Buganda de la province Cibitoke. François Havyarimana a appelé les élèves à rester sereins. Il a en outre annoncé que les élèves qui auront fait les métiers après avoir échoué à un tel concours pourront poursuivre leurs études jusqu'à l'université. On l'écoute au micro de Jackson Bahati. Depuis ce matin, nous avons effectué une visite en province de Cibitoke. C'était juste pour nous rendre compte de l'état de déroulement du concours national. Alors, sur toutes les écoles que nous avons visitées, on a trouvé que la situation était normale. Il n'y avait vraiment aucun problème majeur, sauf à un centre où nous avons trouvé un manque de 12 copies. Mais le problème a été vite résolu parce que ces copies ont été trouvées dans un centre qui est voisin. L'appel que je pourrais lancer aux candidats à ce concours, c'est de rester serein et de travailler comme ils le faisaient dans les autres évaluations qu'ils ont passées au premier trimestre et au deuxième trimestre et donc qu'ils ne paniquent pas pour qu'ils puissent réussir sans aucun problème. Docteur François Havyarimana, ministre burundais de l'éducation et de la recherche scientifique. Et cette première journée du concours national s'est en général bien déroulée en mairie de Bujumbura. L'observation et des présidents de différents centres de passation visités par la radio Isanganiro ce mardi. Toutefois, quelques irrégularités ont été observées. C'est notamment les cas d'abandon et des noms mal écrits. On écoute Nzigira Bimba Eugène, président du centre de passation du lycée municipal de Kamenge au micro Disney Bariko. La première journée s'est très bien passée, sauf quelques difficultés, puisque c'était au premier jour. L'heure qui était prévue pour le commencement a été un peu retardée par le fait que le moment où les épreuves devraient être disponibles au centre, nous avons enregistré un petit retard. Il y a eu quelques irrégularités. Là, je signalerai des noms qui ne figuraient pas sur la liste qu'on nous a donnée. Il y a aussi des noms ou prénoms qui avaient été mal écrits. Point de vue santé ou prévention contre le COVID-19, on avait prévu de l'eau propre et du savon pour que les élèves, avant d'entrer, dans les salles de passation, ils devraient se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Et nous leur aussi avons recommandé de se laver les mains après la passation des examens d'aujourd'hui. Et qu'en est-il du port du masque? Bon, il n'y a pas eu des élèves qui ont porté des masques. Je pense que on n'a pas voulu que ces masques soient un élément de dérangement. Oui, il n'y a pas eu de masques pour les élèves. Parlons toujours passation de ce concours national des 9e années en province de Karoussi. Tous les centres de passation de ce concours ont débuté les activités à 7h30. Cette province compte plus de 1800 lauréats élèves en provenance de 92 écoles fondamentales. La direction provinciale à Karoussi espère avoir bien mené les préparatifs pour qu'elle puisse garder la première place qu'elle occupe depuis 3 ans. Le point avec Blaise Pascal Kararoumi. À l'école fondamentale de la fraternité de la commune Bouhiga, province scolaire de Karoussi, un centre de passation de concours pour les élèves de 9e année venant de 5 établissements scolaires. Les activités ont commencé tôt de façon que, vers 7h30, les activités d'appel des élèves avaient déjà pris fin. La province scolaire de Karoussi compte 1850 lauréats en provenance de 92 établissements scolaires. Ces lauréats élèves ont été répartis dans 30 centres de passation et la passation est encadrée par 62 surveillants qui ont été choisis parmi les enseignants et les responsables des écoles. À la direction provinciale, on indique que les préparatifs à ce concours national se sont bien déroulés et que même les élèves ont été bien entraînés. Ils expliquent les différentes évaluations qui ont été organisées à différents niveaux d'enseignement, au niveau de la direction scolaire, au niveau des réseaux scolaires, au niveau des communes scolaires et même au niveau provincial pour le préconcours. Stanislas Manirakiza, le directeur provincial de l'enseignement, affirme que les travaux de passation de ce concours national se sont bien déroulés pour ce premier jour. Pour le rappel, la province scolaire de Karoussi vient de passer 3 ans successifs, occupant la première place dans le pays dans cette évaluation nationale. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, parlons gouvernance. Le dossier sur des présumés auteurs de l'échec de construction du barrage hydro-agricole d'Okadje qui a été ouvert comme confirmé par le parquet général de la République. Le conseil des ministres du 3 juillet 2019 a encouragé la destruction complète du barrage construit pour la reconstruction selon les résultats de l'étude commanditée par le ministère en charge de l'environnement et de l'agriculture. Le Burundi a ainsi perdu 13 milliards de francs burundais qu'ont coûté les travaux initiaux de construction de ce barrage. Plus de détails avec Linibel Nibigira. Le projet de construction du barrage hydro-agricole d'Okadjeke a été lancé par le chef de l'État le 19 août 2010. Les entreprises qui ont été confiées au travail, CBTCE, Betuko Pacific, Robuco et Tamco. Après 9 ans, l'État burundais, à travers le conseil des ministres, a finalement constaté que le barrage construit est à détruire complètement puis relancer sa construction. Ainsi, 13 milliards de francs burundais engagés pour la construction de cette infrastructure deviennent irrécupérables. Les résultats de l'évaluation montrent que le barrage construit doit être complètement détruit et qu'il faut réaliser un nouveau barrage conforme aux normes et conditions requises pour la réalisation des barrages. S'agissant du canal d'adduction, l'étude conclut qu'il a été mal conçu et les travaux réalisés sont de très mauvaise qualité. Les malfaçons ne peuvent pas être réparées, ce qui impose la décision de l'abandonner en totalité et de réaliser une nouvelle adduction pour qu'elle puisse répondre à l'objectif du projet visant l'irrigation de 2813 hectares. Lors de son conseil des ministres, Prosper Nagwamiye, secrétaire général de l'État, alors également son porte-parole, a déclaré qu'il a été demandé que ceux qui sont impliqués dans l'échec du premier projet de construction de ce barrage soient poursuivis jusqu'au lancement des mandats d'arrêt pour ceux qui ne seraient pas au pays. Après échange et débat, le conseil a encouragé le ministre à poursuivre le projet et a demandé que ceux qui sont impliqués dans l'échec du premier projet soient traduit devant la justice et que même pour ceux qui ne seraient pas au pays, des mandats d'arrêt soient lancés. Au niveau du ministère en charge de l'environnement et de l'agriculture, l'on affirme que tous les dossiers relatifs ont été transmis au ministère de la justice et au niveau du parquet général de la République, l'on informe que ce dossier a été ouvert et qu'il est dans la phase d'instruction. Entre-temps, fin 2019, présentant le rapport semestriel à l'Assemblée nationale, Joseph Butore, alors deuxième vice-président de la République, a indiqué que cette question était en cours de traitement au niveau de la brigade anticorruption. La reconstruction du barrage hydro-agricole d'Okajeke nécessite plus de 20 milliards de francs burundais, dont une dizaine en provenance du Japon. Elinibele, Nibigira page sécurité à présent, je vous l'avais annoncé en titre, la Force de défense nationale du Burundi dément les informations faisant état de l'existence sur le sol burundais d'éléments hostiles au Rwanda voisin. Cela figure dans un communiqué sorti ce mardi au moment où ce lundi l'armée rwandaise avait sorti un autre communiqué où elle affirmait avoir intercepté dans la cellule de Bugeyeye des assaillants venus du Burundi qui avaient mené une attaque dans la nuit de dimanche selon le communiqué de la FDNB. Cette dernière dispose des éléments qui patrouillent sur la frontière entre les deux pays pour veiller sur la sécurité. Le point avec Aubin Niyonkuru. Dans un communiqué de ce lundi, l'armée rwandaise disait que des assaillants du groupe rebelle FLN, Force de libération nationale, venus du Burundi, ont attaqué dans la nuit de ce dimanche dans la cellule de Bugeyeye au sud du Rwanda. Le bilan fait état de deux morts parmi le groupe de FLN. Des armes ainsi que deux uniformes de la Force de défense nationale du Burundi saisies. La cellule de Bugeyeye est frontalière avec la commune burundaise de Mabayi. L'armée rwandaise, dans son communiqué, dit que ces assaillants se sont repliés au Burundi en traversant la rivière de Ruhwa, séparant la zone de Ruhororo dans la commune de Mabayi au Burundi et le secteur de Bugeyeye au Rwanda. Ils sont retournés dans la forêt de Kibira, où ils ont des bases précises telles. L'armée burundaise de son côté dément toutes ces informations. Dans le communiqué de ce mardi, la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, fait savoir qu'il n'existe sur le sol burundais aucun élément hostile au Rwanda. Le même communiqué signé par le colonel Frolibert Biereke, porte-parole de la FDNB, précise que sur la frontière entre les deux pays, il y a des éléments de l'armée burundaise qui mènent des patrouilles de façon optimale pour veiller sur la sécurité entre les deux pays. Obanyunguru, toujours en page sécurité, mais cette fois c'est en province Kirundo. 4 personnes ont été retrouvées mortes dans les différents lacs de cette province. Le premier étant un homme âgé d'une soixantaine d'années. Son cadavre a été retrouvé l'après-midi de ce lundi dans le lac Chohoha, du côté de la colline Muramba, zone commune Kirundo. La victime aurait été abattue à coups de machette avant d'être jetée dans le lac. 3 autres, dont 2 jumeaux de 12 ans, ont été retrouvés dans le même lac du côté de la colline Rwibikara, zone Gisenyi, commune Busoni. D'autres précisions avec Abraham Safari. Selon les informations émanant de la population de la colline Muramba, dans la zone et commune de Kirundo, et confirmée par l'administrateur de cette commune, Viateur Habimana, un homme d'une soixantaine d'années, du nom de Mbarbuke Jean, a été retrouvé mort dans le lac Chohoha à la tombée de la nuit de ce lundi. Les mêmes sources précisent que la victime avait des blessures à la tête, ce qui atteste qu'elle aurait été abattue à bord d'une machette avant d'être jetée dans le lac. La famille confirme qu'il était en bon terme avec sa femme, mais qu'on le soupçonnait d'être féticheur. L'administrateur de la commune de Kirundo demande la bonne collaboration des comités mixtes de sécurité ainsi que le renforcement de leurs activités. D'autres cadavres sont ceux des jumeaux de 12 ans qui ont été trouvés morts dans le même lac Chohoha, mais du côté de la colline Rwibikara, zone Gisenyi, en commune de Busoni. Ces jumeaux ont été trouvés dans l'après-midi de ce dimanche et ils seraient noyés. Le dernier est un homme âgé de 30 ans de la commune de Bgambarangwe qui aurait noyé, croyant qu'il est attaqué par l'hippopotame. La dépouille a été vue ce dimanche dans l'après-midi. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Page coopération à 13h09. Dans nos studios, le Burundi va user de sa position pour renforcer la paix et la sécurité dans la communauté économique des pays de l'Afrique centrale, CEAC. Ceci a été dit ce mardi par Isidore Nirameba, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement, lors de la réunion de la 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Et le Burundi assure la présidence de ce comité pour un mandat de 6 mois. Parlons élevage à présent. Les éleveurs de la commune Guihang en province à Boubanza demandent à l'État de leur donner des terrains pour la construction des herbes fourragères afin de mettre en application la loi sur la stabulation permanente au niveau de l'administration en commune Guihang. L'on explique que l'État ne dispose pas d'espace à donner à ces éleveurs. Ils sont appelés à bien organiser leurs parcelles, comme le dit l'administrateur communal de Guihang, le pont avec Spescaritas Kabanyana. Ces éleveurs disent qu'ils habitent dans de petites parcelles dans le village et qu'ils ne peuvent pas trouver assez d'espace pour construire des étables, mais aussi des espaces pour la culture des herbes fourragères sans l'intervention de l'État. Nous apprécions cette loi, mais il y a un problème très sérieux ici chez nous à Guihang. Contrairement aux autres provinces, ils ont un espace suffisant pour cultiver les herbes, mais il y a un problème très sérieux ici chez nous. Ici chez nous, nous habitons sur les parcelles. Ils n'ont pas d'espace disponible pour cultiver les herbes. Ils n'ont pas aussi d'espace disponible pour faire les pages en stabilisation. Et quelle serait la solution? La solution, nous proposons à l'État de voir cette question pour les gens de Guihang, de chercher un espace pour faire cet élevage. C'est au moment où d'autres éleveurs donnent des témoignages en disant que c'est possible d'organiser une parcelle et y inclure aussi la place pour l'élevage en stabilisation permanente. Et comme ça, la production de lait augmente et les conflits entre cultivateurs et éleveurs diminuent selon les éleveurs contactés. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Guihang, explique que ces éleveurs peuvent chercher ces espaces ailleurs. Le terrain qu'ils réclament se situe dans la région. Au moment où on a voté cette loi, on a commencé la sensibilisation des éleveurs ici dans notre commune. Et actuellement, il y en a qui ont déjà compris le bien fondé d'élever en stabilisation permanente. Il y en a qui ont déjà vendu certaines vaches pour diminuer le nombre afin de garder un nombre capable d'être supporté en stabilisation permanente. Il y en a également d'autres qui ont acheté des vaches, je dirais, modernes, des vaches laitières. L'administration est prête à redonner l'espace qui était destiné à l'élevage dans la Rococo. Je ne peux pas promettre cela parce qu'il y a une autre organisation où on a mis en place un parc de la Roussizi et l'espace qui était destiné à l'élevage du bétail. Souvenez-vous que les vaches qui étaient au niveau de la Rococo ont été refourées pour quitter l'endroit et respecter le parc de la Roussizi. C'est pourquoi alors il y a eu un décret qui a délimité le parc de la Roussizi. Nous recommandons à ces éleveurs d'exploiter le petit espace qu'ils ont afin de pouvoir élever en stabilisation permanente comme les autres le font. L'administrateur de Guihang ajoute que la stabilisation permanente ne concerne pas seulement les vaches, comme le croient beaucoup d'éleveurs, mais tous les animaux domestiques sont concernés, c'est-à-dire les bovins, les ovins, les caprins, les volailles et autres. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Et des amendes comprises entre 1 et 100 000 francs burundais, une servitude pénale allant jusqu'à 2 mois et la peine prévue par la loi portant stabulisation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques au Burundi contre toute personne laissant ces animaux en état de divagation dans les parcelles, dans les cultures ou plantations d'autrui ou dans les périmètres d'aménagement rural. Cette loi entre en vigueur le 4 octobre courant. Radio Isanganiro, chronique santé. Le choix du médicament pour le traitement du trouble bipolaire s'effectue en fonction des symptômes observés. Le psychologue et fondateur de l'association des psychologues sans vacances, Eric Hassabou Moutima, avait parlé lors de notre précédente chronique, avait dit que la personne atteinte des troubles bipolaires a des sautes d'humeur tantôt maniaque, tantôt dépressif. Éviter les drogues et l'abus d'alcool contribue à la prévention de la maladie. Le point avec Ornella Mucho. Lorsque les symptômes montrent que la personne est réellement atteinte de troubles bipolaires, il y a des médicaments prévus pour réguler l'humeur du patient. Le psychologue et fondateur de l'association des psychologues sans vacances, Eric Asamotima, précise que le choix du médicament dépend des symptômes. On traite les maladies par des thymorégulateurs, les familles de lithium qu'on donne aux patients pour qu'on puisse atténuer les symptômes. Aussi, en prenant les médicaments, on accompagne avec des psychothérapies, des conseils pour que le patient soit conscient de sa maladie, de ses symptômes et pour que lui-même puisse gérer ses symptômes. Un proche du patient doit suivre et vérifier la prise des médicaments chez le patient pour éviter des conséquences. Les proches aussi ont un rôle vraiment très important parce que c'est eux qui gardent les malades. C'est eux qui voient que le malade est en situation de danger. Parce que le patient dans un état bipolaire n'est pas conscient de sa maladie. Il peut même renier ça. Il voit qu'il est normal. Tous ses délires, toutes ses hallucinations, il voit que c'est normal. Mais c'est la société qui voit que cet individu, ça ne marchait pas. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Il a changé. La société, vraiment, l'entourage a une activité très importante pour le patient bipolaire parce que c'est eux qui le gardent, qui le prennent soin. C'est tout parce que les médicaments qu'on donne aux gens bipolaires sont des médicaments forts, puisqu'ils peuvent causer des effets secondaires, comme des toux, problèmes du cœur, des palpitations, agitation psychomotrice. Il précise aussi qu'il y a d'autres moyens de prévenir que la maladie s'aggrave, comme faire des activités physiques. Selon lui, dans ce cas, le patient peut passer entre 5 et 15 ans sans faire des rechutes. Et il faut que les patients gardent le rythme du sommeil, parce que ce qui déclenche tout, c'est le manque de sommeil. Le patient peut passer 2 ou 3 jours sans sommeil, ce qui pousse des délires, des hallucinations. Il faut que les patients eux-mêmes prennent soin de soi pour qu'ils évitent les drogues, évitent des activités difficiles, des activités fatigantes, aussi de prendre les soins, de se reposer, aussi de reprendre les activités professionnelles, de faire des activités sportives, aussi des activités sociales pour qu'ils puissent se réinsérer eux-mêmes. C'est une façon de prévenir contre la maladie. Éviter les drogues et l'abus d'alcool ou bien surveiller l'enfant dès l'âge de 15 ans s'il n'a pas des sautes d'humeur et consulter à temps les médecins sont les moyens de prévention contre cette maladie. Ornella Mucho, voilà, 13h16 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Très bon après-midi à tous. Au revoir.